câble. Tu rêves d'espace et d'oxygène, repeins en bleu les grains de sable. Qu'un quotidien souvent malmène. L'aventure est au coin de ta rue, au détour de tes rêves d'enfant, de toutes ces histoires qu'on t'a lues. Rien ne presse pour devenir grand. Tu ne pourras jamais observer toutes les merveilles des continents. Alors continue à rêver. À ta marraine.